Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 23. Des connaissances intellectuelles qui sont purement spirituelles, entrées en matière, explication de leur nature. Les développements dans lesquels nous sommes entrés, par rapport aux connaissances de l'entendement, qui s'acquièrent au moyen des sens, sont à la vérité trop laconiques pour une pareille matière. Néanmoins je n'ai pas voulu m'expliquer davantage, car pour arriver à mon but, à savoir, de dégager l'entendement de ces connaissances, et de l'introduire dans la nuit de la foi, j'en ai dit assez, et je crains plutôt d'avoir été trop diffus. J'aborde donc maintenant l'explication des quatre connaissances de l'intellect purement spirituel, dont nous avons fait mention au chapitre 8. Ce sont les visions, les révélations, les paroles intérieures et les sentiments spirituels. Nous appelons ces grâces purement spirituelles, parce qu'elles ne sont pas communiquées à l'entendement au moyen des sens extérieurs, comme les visions corporelles et imaginaires. Au contraire, elles s'offrent à lui d'une manière passive, claire et distincte, sans l'intermédiaire d'aucun sens extérieur ou intérieur, et par voie surnaturelle, c'est-à-dire sans que l'âme intervienne activement par aucun acte propre de ses facultés, à parler dans un sens large et général. Ces quatre connaissances peuvent se nommer visions de l'âme, puisque dans le langage usuel, quand il s'agit de l'âme, comprendre et voir est identique. Les connaissances intelligibles pour l'entendement sont appelées visibles pour l'esprit, et par suite les notions qui s'en forment dans cette puissance se nomment vues intellectuelles. Toutes les espèces saisies par les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, servent d'objet à l'entendement, qui en discerne la vérité ou la fausseté. Ce qui est visible aux yeux corporels produit une vision corporelle. De même, toute connaissance intelligible procure une vision spirituelle à l'entendement, qui est la vue de l'âme. Donc, ainsi que nous l'avons dit, comprendre et voir est une seule et même chose par rapport à l'intellect. Parlant en général, on peut appeler vue ces quatre sortes de connaissances, mais cette dénomination ne saurait s'appliquer aux autres sens, l'objet de l'un n'étant pas l'objet de l'autre. Néanmoins, comme ces connaissances sont présentées à l'âme sous une forme analogue à celle qui frappe les sens, pour préciser davantage, nous appellerons vision les conceptions que l'entendement perçoit par une sorte de vue ou d'intuition. Nous nommerons révélation, l'intelligence d'objets nouveaux, inconnus à cette faculté, paroles intérieures, celles que l'esprit reçoit sous la forme des choses qu'on entend par l'ouïe, enfin, sentiments spirituels, toutes les impressions qui ont de l'analogie avec celles des autres sens, par exemple, la sensation d'une suave odeur spirituelle, ou encore les goûts et les délices dont l'âme peut jouir d'une manière surnaturelle. De ces différentes notions, l'entendement retire une connaissance ou une vision spirituelle, indépendante des formes, des images, ou des figures imaginaires puisées dans le sens intérieur. Ces communications ont lieu directement au moyen d'une opération surnaturelle. Or, il est à propos de dégager l'esprit de ces conceptions, comme nous l'avons fait à l'égard des visions corporelles et imaginaires, pour le diriger toujours, à travers la nuit spirituelle de la foi, vers la divine et substantielle union d'amour. Un dépouillement absolu lui est indispensable pour n'être pas retardé et entravé dans la voie de la solitude et de l'abnégation, je l'avoue. Ces connaissances intellectuelles sont à la fois plus nobles, plus utiles et beaucoup plus sûres, que les connaissances corporelles et imaginaires, les premières sont intérieures, purement spirituelles, et par là même moins accessibles aux démons, d'autant que Dieu se communique à l'âme dans cet état avec plus de délicatesse, et en dehors de sa coopération et de celle de l'imagination, du moins active, cependant, par son peu de vigilance à s'en détacher, l'entendement pourrait encore y trouver non seulement un obstacle, mais une source de graves erreurs. Peut-être aurions-nous pu réunir ces quatre espèces de connaissances, en leur appliquant succinctement le conseil général que nous donnons pour toutes, c'est-à-dire de ne pas les demander, ni les désirer. Toutefois, nous aurons plus de lumière, pour la pratique, en entrant dans le détail. Au reste, il y a des choses spéciales à dire sur chacune d'elles, il sera donc préférable de les traiter en particulier. Commençons par les premières, qui sont les visions spirituelles ou intellectuelles. Chapitre 24. Explication des deux sortes de visions spirituelles que l'âme peut avoir surnaturellement. Les visions spirituelles que l'entendement perçoit sans l'intermédiaire d'aucun sens corporel sont de deux sortes, les visions des substances corporelles et les visions des substances simples ou immatérielles. Les premières concernent tous les objets visibles du ciel et de la terre. L'âme peut les découvrir à l'aide d'une certaine lumière émanée de Dieu, qui les fait apercevoir malgré leur éloignement. Les secondes exigent une lumière plus pénétrante et plus sublime. Aussi ces visions, comme celles des anges et des esprits, sont-elles rares, et pour ainsi dire étrangères à la condition de cette vie mortelle. À plus forte raison la vision de l'essence divine, qui est le partage des âmes bienheureuses, cette dernière peut être accordée à quelques âmes, mais d'une manière transitoire. Dieu les soutient alors, et leur conserve la vie naturelle, tout en opérant une sorte d'abstraction qui sépare momentanément l'esprit du corps. L'apôtre saint Paul en fit l'expérience quand, ravi au troisième ciel, il apprit des secrets ineffables. Si ce fut avec mon corps ou sans mon corps, je ne sais, Dieu le sait. 2 Corinthiens 12, 2. Ces paroles prouvent évidemment que, par une opération divine, l'apôtre fut transporté au-dessus de la sphère de la vie naturelle, lorsque le Seigneur voulut, comme on le suppose, découvrir son essence à Moïse. Il lui promit de le placer à l'entrée de la caverne, de le couvrir de sa droite et de le protéger, de peur qu'il ne vînt à mourir, quand sa gloire passerait. Exode 33, 22. Ce passage de la gloire du Très-Haut était une manifestation transitoire de son être, pendant qu'il protégeait de sa droite la vie naturelle de Moïse, mais ces visions si exceptionnelles, de Paul, de Moïse et d'Élie, notre Père, quand il se couvrit le visage au bruit d'un doux zéphyr, 3 Rois, Xix, 13, symbole de Dieu, ne sont que passagères. Dieu ne les donne que très rarement, ou pour mieux dire presque jamais, et à un nombre d'âmes fort restreint. Il en favorise les zélateurs ardents de sa loi et de son Église, comme le furent ces trois grands saints. D'après les lois ordinaires, ces visions ne peuvent pas être perçues ici-bas avec une évidente clarté. On peut en ressentir cependant quelques effets au fond intime de l'âme, par un certain amour lumineux, accompagné de touches très délicates, ce qui rentre dans le domaine des sentiments spirituels, dont nous traiterons ensuite avec le secours d'en haut. Tout le but de ce traité n'est-il pas de conduire l'âme à cette merveilleuse union avec l'essence divine? Du reste, nous en parlerons encore à propos de la connaissance mystique, secrète et obscure, qu'il nous reste à expliquer. Nous dirons alors comment, par l'entremise de cette notion amoureuse et confuse, Dieu s'unit à l'âme dans un degré sublime et ineffable. Cette notion est celle de la foi, elle sert en la vie présente de moyen à l'union divine, comme, Dans l'autre vie, la lumière de la gloire donne aux élus la claire vision de Dieu. Abordons maintenant le sujet des visions de substances corporelles, que l'âme perçoit spirituellement. Ces visions ont beaucoup d'analogies avec les visions corporelles, comme les yeux voient les objets corporels à l'aide de la lumière naturelle, ainsi l'âme voit intérieurement ces mêmes objets ou d'autres encore, selon le bon plaisir de Dieu, au moyen d'une lumière surnaturelle. Toutefois le mode de vision est différent, car l'œil de l'âme, ou l'entendement, reçoit les visions spirituelles, ou intellectuelles, avec plus de clarté et de délicatesse que les yeux du corps n'aperçoivent les visions corporelles. Lorsque le Seigneur veut favoriser une âme d'une grâce semblable, il répand en elle la lumière surnaturelle dont nous parlions, dans laquelle elle distingue avec une facilité extrême, et dans une splendeur incomparable, ce que Dieu veut lui montrer du ciel ou de la terre. L'absence ou la présence de ces objets ne change rien à cette communication. Figurez-vous une porte qui s'ouvre devant vous, et laisse passer de temps en temps un brillant éclair qui, au sein d'une nuit sombre, illumine soudain les objets, et les fait apparaître comme en plein jour, puis, disparaissant aussitôt, les fait rentrer dans l'obscurité, laissant leurs formes et leurs images gravées dans l'imagination. Les visions intellectuelles opèrent dans l'âme un effet bien plus excellent encore. Les choses qu'elle aperçoit à la lueur de cette divine lumière s'impriment parfois si profondément dans son esprit, qu'il lui suffit d'un simple souvenir pour les voir comme la première fois, à chaque nouvelle lumière de Dieu qui vient briller à ses regards. Quand on jette les yeux sur un miroir, on y retrouve les images des objets qui s'y reflètent. Ainsi l'âme ne saurait oublier complètement la forme des objets qu'elle a vus, bien que par intervalles cette forme semble s'effacer un peu de sa mémoire. Les effets que ces visions produisent en l'âme sont la paix, la lumière, une joie presque comparable à celle de la gloire, la pureté et les suavités de l'amour, l'humilité et une élévation de l'esprit vers Dieu, plus ou moins intense, selon le bon plaisir du distributeur de toute grâce, et la capacité de l'âme qui les reçoit. Le démon peut aussi produire ou contrefaire ses visions dans l'âme, par une certaine lumière naturelle qu'il présente à l'imagination, en revêtant d'une clarté spirituelle les objets présents ou éloignés. Plusieurs docteurs, commentant ce passage de Saint Matthieu, affirme que le démon montra au Christ tous les royaumes du monde et leur gloire par une suggestion spirituelle, Matthieu, 8:8, qui réfère des Thomas, 3, page 41, article 2, D3, et Abule, in 4 Saint Matthieu 9, 49. Il eût été impossible aux yeux du corps d'avoir une vue assez puissante pour embrasser à la fois tous les royaumes du monde avec leur magnificence, mais il y a une immense différence entre les visions venues du démon et celles dont Dieu est l'auteur. Comme les effets des unes n'ont aucune comparaison avec les effets des autres, les premières inclinent les âmes à la présomption et à l'estime d'elles-mêmes, qui leur fait admettre avec complaisance ces visions, à l'encontre des visions célestes, loin d'être accompagnée d'une humilité douce et paisible, et d'un véritable amour divin. Elles engendrent la sécheresse de l'esprit dans les rapports avec Dieu, leur empreinte ne s'imprime pas dans l'âme avec la suave netteté des autres visions, elles s'effacent promptement au contraire, excepté si l'âme accueille volontiers ces sortes de communications, car l'estime en rappelle naturellement le souvenir. Mais un souvenir sec et aride, incapable de produire les fruits d'humilité et de charité qui résultent des véritables visions. Toutes les fois qu'on s'en souvient, ces visions ayant pour objet les créatures, qui n'ont aucune ressemblance, aucune proportion essentielle avec Dieu, elles ne peuvent donc pas servir de moyen immédiat à l'union divine. C'est pourquoi, si l'âme veut faire des progrès réels, grâce au moyen unique et véritable de la foi, Son attitude à leur égard doit être entièrement négative, comme nous l'avons expliqué pour les autres visions, par conséquent, que l'âme se garde de faire comme une réserve et un trésor des formes et des images, qui demeurent gravées dans son imagination, si elle ne s'en détache par un dépouillement absolu, les obstacles se soulèveront sous ses pas, et entraveront sa marche ascendante vers Dieu. Quel est le courage de les mépriser, et ses impressions, lors même qu'elles ne cesseraient de se reproduire, ne lui causeront plus grand préjudice? Cependant nous ne devons pas le nier. Le souvenir de ces visions peut porter l'âme à la contemplation, et l'exciter à un certain amour de Dieu, mais vous le savez, la pureté de la foi et l'abnégation complète relèvent infiniment plus, à son insu, l'âme se sentira peu, être tout à coup embrasée d'un véhément et très pur amour de Dieu, sans distinguer la source d'où émane ce bien, ni ce qui aura servi de motif à ses désirs brûlants. En voici toute la raison, à mesure que le vide s'est fait dans l'âme par les ténèbres, le dépouillement, en un mot, par la pauvreté spirituelle, la foi a jeté de profondes racines, et à pénétrer plus intimement dans ce cœur dégagé de tout. La charité de Dieu s'y est à proportion établie et répandue. Plus l'âme consent à se faire aveugle, à s'anéantir par rapport à toutes les choses extérieures ou intérieures, qui peuvent lui être communiquées, plus la foi, l'espérance et la charité se fortifient en elle. Cet amour n'a pas son siège dans la partie sensible et n'y produit pas de douces émotions, c'est pourquoi l'âme ne le remarque pas toujours. Il réside dans l'intime de l'âme, et la revêt de force, de courage et d'une ardeur nouvelle. D'autres fois cependant, il rejaillit jusque sur les sens par des effets pleins de tendresse et de douceur, pour posséder l'amour. La joie et la dilatation intérieure qu'apportent ces visions, il faut avoir la générosité et la mortification de rester dans le vide et dans l'obscurité, à l'égard de tout le créé, et de fonder son amour et sa joie en ce qu'on ne peut ni voir ni sentir ici-bas, c'est-à-dire en Dieu seul, l'être incompréhensible et supérieur à tout. Admettons même qu'une âme ait assez de prudence, d'humilité et d'énergie pour ne pas se laisser séduire par le démon, et pour échapper à la présomption d'esprit, néanmoins, par ses visions, le malin esprit entravera son avancement et mettra un obstacle au dépouillement spirituel, à la pauvreté d'esprit et au vide de la foi nue, dispositions indispensables, nous l'avons maintes fois répété, pour l'union de l'âme avec Dieu. La doctrine renfermée dans les chapitres 19 et 20, sur les visions et les connaissances surnaturelles des sens, est la même pour les visions intellectuelles, aussi ne perdrons-nous pas notre temps à de plus longs développements. Chapitre 25. Des révélations, de leur nature, de la distinction qu'on établit entre elles, d'après l'ordre suivi jusqu'ici. Il nous reste à traiter de la seconde sorte de connaissance spirituelle, nommée plus aux révélations, et dont quelques-unes se rattachent spécialement à l'esprit de prophétie. Observons tout d'abord qu'une révélation n'est autre chose que la découverte d'une vérité cachée, ou la manifestation des secrets ou des mystères. Par exemple, Dieu illumine l'entendement d'une âme, en lui découvrant la vérité sur tel ou tel point, ou bien il lui fait part de ses desseins, des œuvres de sa puissance, passées, présentes ou futures. D'après cet aperçu, on peut distinguer deux sortes de révélations, les unes dévoilent les vérités à l'entendement, et se nomment à proprement parler connaissance intellectuelle ou intelligence. Les autres sont la manifestation de certains secrets, et le nom de révélation leur convient avec plus de justesse. À la rigueur même, cette dénomination ne doit pas s'appliquer aux premières, puisqu'elle consiste dans une intelligence claire et évidente que Dieu donne à l'âme, des vérités simples et dépouillées de tout accident, non seulement par rapport aux choses temporelles, mais encore relativement au spirituel. Cependant, j'ai voulu en traiter ici sous le nom générique de révélation, d'abord à raison du rapprochement et de l'étroite alliance qu'elles ont avec ces faveurs, et ensuite pour ne pas multiplier les divisions. Ceci posé, nous pourrons maintenant établir dans les révélations deux classes de connaissances, nous appellerons les unes, notions intellectuelles, et les autres, manifestation des mystères et des secrets cachés de Dieu. Nous allons tirer nos conclusions sur cette matière en deux chapitres, le plus brièvement possible, et nous traiterons en premier lieu des notions intellectuelles. Chapitre 26. Des connaissances de la vérité communiquées à l'entendement, elles sont de deux sortes, conduites de l'âme à leur égard. Pour écrire convenablement sur ce sujet des vérités absolues et dépouillées de tout accident, dont la connaissance est donnée à l'entendement, il serait nécessaire que le Seigneur lui-même daigne à prendre ma main et conduire ma plume. Sachez-le, bien-aimé lecteur, toute parole est impuissante à exprimer ce que ces vérités sont en elles-mêmes, par rapport à l'âme. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention d'en faire la matière d'un traité spécial, on me permettra seulement de dire ici ce qui est strictement nécessaire, pour instruire l'âme et la guider par ce moyen, vers l'union divine, ce genre de vision, ou pour mieux dire, de connaissance des vérités en elles-mêmes et dans la simplicité de leur essence, est très différente des visions dont nous avons parlé au chapitre 23. En effet, il ne s'agit plus de voir les choses corporelles avec l'entendement, mais de saisir et de voir, au moyen de la faculté intellective, les vérités divines, tant celles des choses passées ou présentes que des futures. Ce genre de connaissance a beaucoup d'analogies avec l'esprit de prophétie, dont nous parlerons peut-être plus tard. Il se divise, ne l'oubliez pas, en deux classes. Les unes ont pour objet le Créateur, et les autres concernent les créatures. Toutes deux sont une source de jouissance pour l'âme, néanmoins rien n'est comparable aux joies que lui procurent les connaissances de Dieu en lui-même. Et les expressions manquent pour définir les délices enivrantes puisées en lui. Ô Dieu, s'écrie David, il n'y a personne qui vous soit semblable. Psaume 39, 6. Ces notions nous donnent une très sublime idée des attributs divins, comme de la toute-puissance de Dieu, de sa force, de sa bonté et de sa douceur. Toutes les fois que ce sentiment se produit, il grave dans l'âme son divin objet. C'est là une pure contemplation. L'âme qui en est favorisée se voit réduite à l'impossibilité d'en rien exprimer, si ce n'est d'une manière incomplète et dans des termes généraux, que lui inspire l'abondance des délices et des joies de cet état bienheureux. Le prophète royal en avait ressenti les effets, lorsque, pour décrire l'excès de son bonheur, il se servait d'expressions vagues et indéterminées, les sentiments que nous nous formons de Dieu, c'est-à-dire, les vertus et les attributs que nous concevons de ses grandeurs, sont véritables et pleins de justice en eux-mêmes, ils sont plus désirables que l'abondance de l'or et des pierres précieuses, et plus doux que n'est le miel tiré du rayon le plus pur. Psaume 18, 10,11. Un jour Dieu passa devant Moïse, et lui donna une très sublime connaissance de lui-même. Au passage du Très-Haut, Moïse se prosterna contre terre en toute hâte, s'écriant, « Dominateur, Seigneur Dieu, miséricordieux et clément, patient et plein de miséricorde et très véritable, qui gardait la miséricorde avec des milliers de créatures, Exode 34, 6. 7. C'est par ces élans répétés que Moïse, sans pouvoir s'expliquer, s'efforça de faire comprendre en termes généraux ce qu'il avait entrevu des perfections divines. Dans une seule de ses connaissances, si l'âme douée de ses grâces vient à balbutier parfois quelques paroles, elle reconnaît son impuissance à exprimer ce qu'elle a ressenti. convaincu qu'il n'existe pas de langage assez sublime pour en parler dignement. Saint Paul ravi au troisième ciel confesse, après Moïse et David, son impuissance à décrire cette merveilleuse connaissance de Dieu, et se contente de dire qu'il n'est pas permis à un homme de le rapporter. 2 Corinthiens 12, 4. Ces vues intellectuelles ne peuvent être restreintes dans les limites des choses particulières, et comme elles sont relatives aux principes souverains, on n'en peut rien dire de distinct. Si elles venaient à s'étendre en même temps à une vérité, ou à un objet au-dessous de Dieu, on pourrait à la rigueur en donner une entière idée, mais quant à sa notion générale, on ne peut jamais les expliquer entièrement. Ces connaissances sublimes et amoureuses sont propres à l'état d'union, elles sont l'union même, et consistent dans une mystérieuse touche de la divinité au fond intime de l'âme. C'est Dieu lui-même que l'âme ressent et qu'elle goûte, mais non sans doute avec la plénitude et l'évidence de la claire vision béatifique. Le démon ne saurait s'immiscer dans une faveur tout à la fois si élevée et si profonde. Il n'est pas en son pouvoir d'opérer rien de comparable, ni de répandre dans l'âme des douceurs et des délices pareils, parce que ces lumières procurent la joie d'un faible et rapide coup d'œil sur l'essence divine, et sur la vie éternelle. Or, l'ennemi du genre humain ne peut pas arriver à feindre, ni à donner une jouissance aussi délectable. Cependant il pourrait, par de fausses apparences, chercher à imiter Dieu, et représenter à l'âme des choses sublimes, ou lui procurer une sorte de rassasiement sensible, et lui persuader en même temps que c'est là véritablement la vision de Dieu. Son astuce peut aller jusque-là, mais il demeure toujours impuissant à pénétrer dans le fort intérieur de l'âme, pour la transformer et l'enflammer subitement d'amour, comme le font les visites du bien-aimé. Quelques-unes de ses connaissances et de ses touches, par lesquelles Dieu atteint la substance de l'âme, l'enrichissent merveilleusement. Il suffit d'une seule d'entre elles pour enlever tout d'un coup à l'âme certaines imperfections, dont elle n'avait pas su se défaire durant le cours de sa vie, et de plus pour la laisser ornée de vertus et comblée de dons surnaturels. Une de ces consolations si enivrantes pourra à elle seule récompenser surabondamment l'âme de tous les travaux soufferts pendant sa vie, fussent-ils sans nombre. Alors, investie d'un courage invincible, et d'un désir passionné de pâtir pour son Dieu, l'âme est en proie à un tourment étrange, celui de ne pas souffrir davantage. Aucune comparaison, aucune conception naturelle ne saurait atteindre à sa notion lumineuse, supérieure à tout, et que Dieu seul produit en l'âme en dehors de sa coopération, au moment où celle-ci est fort éloignée d'y prétendre et pense le moins. Dieu se plaît à lui faire sentir ses touches mystérieuses, qui réveillent certains souvenirs de lui suscités soudainement par la simple pensée de choses souvent très minimes en elles-mêmes. Ces souvenirs de Dieu sont si suaves et si efficaces, que non seulement l'âme, mais le corps lui même tressaille d'aller et graisse. D'autres fois c'est dans le calme que l'esprit participe, avec un sentiment exquis de délices et de rafraîchissement spirituel, mais sans éprouver aucun tressaillement sensible, une parole de la Sainte Écriture, un mot que l'amour a entendu, ou toute autre chose, peuvent lui être l'occasion de semblables faveurs. Elles n'ont pas toutes cependant la même efficacité, et n'engendre pas les mêmes sentiments, car bien souvent ces touches sont très faibles. Mais, si faibles qu'elles soient, une seule est plus précieuse que la multiplicité des considérations sur les créatures, et sur les œuvres du Tout-Puissant. Ces connaissances sont données à l'âme à l'improviste et sans sa délibération. Elle n'a que faire d'y aspirer, qu'elle se borne à se tenir humble et résignée à leur égard. Et Dieu fera son œuvre quand et comme il le voudra. Je ne veux pas dire toutefois qu'il faille se conduire négativement par rapport à ses connaissances, comme pour les autres, puisqu'elles forment déjà une partie de l'union bienheureuse. vers laquelle nous essayons de diriger l'âme, tel est au moins notre unique désir, en lui apprenant à se dépouiller et à se détacher de toutes les autres faveurs. Or le moyen de hâter cette opération divine, c'est l'humilité jointe au désir de souffrir par amour pour Dieu, avec patience et un complet désintéressement. En effet, ces grâces ne sont point accordées à l'âme qui cherche à se les approprier, mais elles sont le résultat d'un amour spécial et gratuit de Dieu envers l'âme dégagée de tout, même de ses dons. Le Fils de Dieu a voulu nous convaincre de cette vérité, quand il dit par saint Jean, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me découvrirai moi-même à lui. » Jean 12, 4, 21. Ces paroles signifient les connaissances et les touches délicates dont nous nous entretenons, par lesquelles Dieu se manifeste à l'âme qu'il aime sincèrement. La seconde espèce de notion, ou de vision des vérités abstraites, est très différente de celle que nous venons d'expliquer. Elle regarde des objets qui sont au-dessous de Dieu, et se rapporte à la connaissance de la vérité essentielle des choses créées, des faits et des événements qui se passent parmi les hommes. À l'instant où il est donné à l'âme de découvrir ces vérités, elle se grave fortement dans le sanctuaire intime de son être, sans le secours d'aucune parole étrangère, en sorte que si on venait à lui affirmer le contraire, il lui serait impossible, malgré tous ses efforts, d'y donner un assentiment intérieur. Son esprit a été frappé d'une vue trop manifeste pour laisser place au doute. Cette lumière peut se rattacher à l'esprit de prophétie, et au don que saint Paul appelle le discernement des esprits. Malgré la certitude de ses convictions, l'âme est obligée d'incliner son jugement dans celui de son directeur spirituel, et de se conformer à ses avis, alors même qu'il serait fort opposé à ses idées personnelles. C'est en suivant cette conduite qu'on acheminera l'âme par la foi vers l'union divine, qui s'acquiert plutôt par voie de croyance que par voie de connaissance. Les divines écritures nous fournissent des témoignages frappants de ces doubles sortes de connaissances. À propos de la science particulière des choses créées, le sage dit ces paroles, « C'est Dieu lui-même qui m'a donné la vraie connaissance de ce qui est, il m'a fait voir la disposition du monde, les vertus des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les changements que causent l'éloignement et le retour du soleil, la vicissitude des saisons, les révolutions des années, les dispositions des étoiles, la nature des animaux, les instincts des bêtes, la force des vents, les pensées des hommes, la variété des plantes et les vertus des racines, et tout ce qu'il y a de caché et d'inconnu. Je l'ai appris parce que la sagesse même qui a tout créé me l'a enseigné. » Livre de la Sagesse, 7, 17, 18, 19, 20, 21. À la vérité, la science que le sage dit avoir reçue de toutes choses, était infusée générale. Cependant cette citation prouve suffisamment l'existence des autres connaissances particulières, dont Dieu remplit surnaturellement les âmes selon ses impénétrables desseins. Il ne leur accorde pas, il est vrai, une science universelle et infuse, comme celle de Salomon, mais il leur découvre parfois sur plusieurs points quelques, une des vérités énumérées par le sage. Ces habitudes infuses varient d'après la diversité des dons, répartis par le divin dispensateur. Saint Paul signale parmi ces derniers la sagesse, la science, la foi, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues, l'interprétation des paroles. 1 Corinthiens 12, 8. Le souverain maître accorde gratuitement ses dons infus à qui il lui plaît, aux saints prophètes, aux apôtres et à d'autres saints. Mais outre ces grâces gratuites, les âmes parfaites, ou du moins celles qui avancent dans la perfection, reçoivent très fréquemment des illuminations sur les choses présentes ou éloignées. dont elles sont instruites par une lumière qui se communique à leur esprit déjà purifié et éclairé. Nous pouvons appliquer à ce sujet le passage des Proverbes où il est dit, « Comme on voit se refléter dans l'eau le visage de ceux qui s'y regardent, ainsi les cœurs des hommes sont ouverts aux prudents. » Proverbes 27, 19, c'est à dire à ceux qui possèdent la sagesse des saints, que la Sainte Écriture assimile à la prudence. Cependant, ce n'est pas toujours au gré de leur désir que telle ou telle vérité leur est manifestée. Cette spontanéité de connaissance est réservée en partage à ceux qui en possèdent l'habitude infuse. Encore ces derniers eux-mêmes n'en jouissent-ils pas toujours et en toutes choses, parce que ces grâces sont basées sur le bon plaisir divin. Au reste, il est utile de faire observer que ceux dont l'esprit est assez purifié, découvrent, avec plus ou moins de facilité, les pensées intimes du cœur ou de l'esprit, devinent les inclinations et les qualités des autres, et cela a des indices extérieurs, même presque insensibles, comme une parole, un mouvement ou autre chose semblable. Si, en qualité d'esprit, le démon se rend compte par ses signes de ce qui se passe à l'intérieur, de même l'homme spirituel le peut-il faire, d'après la parole de l'apôtre, l'homme spirituel juge de tout, 1 Corinthiens 2, 15, et ailleurs, il pénètre tout, jusqu'aux secrets les plus profonds de Dieu, Ibidem 2, 10, non pas à la vérité d'une manière naturelle, mais à la faveur d'une lumière surnaturelle. Sans doute on peut souvent se tromper, en fondant son jugement sur des indices extérieurs, mais le plus ordinairement on voit juste, toutefois il ne serait pas prudent de se fier à ce mode de connaissance, par la raison que le démon a coutume de s'insinuer dans ces matières avec beaucoup de subtilité, comme nous le dirons plus loin. Donc, règle générale, il faut renoncer à ces sortes de lumière et d'appréciation. L'histoire de Jésus, serviteur de notre Père Saint Élisée, nous prouve que les hommes spirituels peuvent connaître les faits éloignés et les événements humains. Voici le fait, Jésus, séduit par l'appât du gain, voulut cacher à son maître l'argent qu'il avait reçu de Naaman le Syrien. Élisée le reprit en ces termes, « Mon cœur n'était-il pas présent lorsque Naaman est descendu de son chariot, pour aller au-devant de nous ?» 4. Rois 5, 26. Le prophète avait vu en esprit la fraude de son serviteur, comme s'il eût été présent. Le même livre des Rois confirme de nouveau cette assertion. Élisée dévoilait au roi d'Israël tous les projets que le roi de Syrie traitait dans le secret avec les princes de son royaume, aussi les conseils du roi de Syrie demeuraient-ils sans résultat. Voyant tous ces secrets divulgués, il dit à ses courtisans, « Pourquoi ne me découvrez-vous point qui est celui qui me trahit auprès du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs lui répondit, « Ce n'est point qu'on vous trahisse, ô mon Seigneur, mais c'est le prophète Élisée qui est en Israël, qui découvre au roi tout ce que vous dites dans votre conseil, Ibidem, 6, 11, 12, ce double don de connaissance est encore communiqué à l'âme, sans le concours de sa coopération. Soudain, au moment où l'esprit est le plus distrait, il est frappé par une vive intelligence de ce qu'il lit ou de ce qu'il entend, intelligence souvent plus nette que le son de la parole. D'autres fois une personne qui ignore la langue latine, recevra une intelligence très claire du sens, bien qu'elle ne saisisse pas la signification des mots prononcés dans cette langue, il y aurait une ample matière. Si l'on voulait énumérer tous les artifices dont le démon peut se servir, et se sert en effet, dans cette sorte de communication, car ses tromperies sont nombreuses et très subtiles, il lui est facile de représenter à l'âme, par suggestion, beaucoup de connaissances intellectuelles au moyen des sens corporels, et il semble les graver avec tant de force dans sa pensée, que le doute ne lui est pas possible. L'âme manque-t-elle d'humilité et de défiance d'elle-même, il lui fera accroire mille mensonges, et ses insinuations auront d'autant plus d'empire, que l'âme participera davantage à la faiblesse des sens. Dans ce cas, elle aura besoin de beaucoup d'énergie et de persévérance dans la prière, pour les rejeter loin d'elle. Un des pièges de l'esprit malin est encore de divulguer les péchés d'autrui, la perversité des cœurs, et la conscience des âmes coupables, avec autant de fausseté que d'apparente lumière. Sa tactique est de diffamer, et de faire dévoiler ses fautes, pour augmenter le nombre des péchés en excitant l'âme, sous le prétexte d'un faux zèle, à les découvrir à d'autres en recommandant à Dieu ses pécheurs. Dieu, il est vrai, montre aussi quelquefois aux saintes âmes les nécessités du prochain, pour les engager à y remédier et à fléchir le ciel en sa faveur. C'est ainsi que le Seigneur découvrit un jour à Jérémie la faiblesse du prophète Baruch, afin qu'il l'aidât de ses conseils, mais souvent, nous le savons par expérience. C'est le démon qui s'efforce avec hypocrisie d'imprimer dans l'esprit divers jugements faux, et le porte à y ajouter pleinement foi, afin de ternir la réputation d'autrui et de l'accabler d'affliction, toutes ces lumières, qu'elles aient ou non Dieu pour auteur, servent fort peu à l'âme pour s'approcher de son unique bien, et même, si elle n'est pas soigneuse à y renoncer, non seulement ses connaissances la troubleront, mais lui feront tort et l'induiront en mille erreurs, tous les périls et les inconvénients, signalés à propos des notions surnaturelles, peuvent se retrouver ici plus nombreux encore, c'est pourquoi je m'abstiens de développer ce sujet, puisque nous en avons suffisamment exposé la doctrine dans ce qui précède. Je me contente de réitérer le conseil de renoncer à ces connaissances, avec un soin extrême, et de leur préférer le non-savoir, qui est un chemin plus direct pour aller à Dieu, que l'âme soit donc vigilante à rendre un compte fidèle de ses impressions, à son confesseur, ou à son directeur spirituel, et qu'elle s'en tienne toujours à ses avis. Celui-ci devra s'appliquer à lui faire franchir rapidement cette voie hérissée d'écueils, car ses connaissances ne servent pas à son progrès réel, et d'ailleurs, nous l'avons dit, l'effet que Dieu a en vue s'opère passivement dans l'âme, et demeure toujours gravé en elle en dehors de sa coopération. Aussi me paraît-il superflu d'énumérer ici les différents résultats produits par les communications de ce genre. Vraies ou fausses, leurs effets sont aussi variés que nombreux, et on ne saurait les développer dans un exposé aussi succinct. Les bonnes ondes au bien-être produisent de bons fruits, et les mauvaises ont des effets déplorables. Ce sujet interminable fatiguerait en vain le lecteur, et il a été précédemment assez prouvé quelle était l'abnégation qu'on devait pratiquer à leur égard. Chapitre 27. Seconde espèce de révélation, ou manifestation des secrets et des mystères cachés, comment elles peuvent servir à l'union divine, comment elles en peuvent détourner, comment le démon peut grandement induire en erreur sur ce point. La seconde sorte de révélation est une manifestation des secrets et des mystères impénétrables, elle peut avoir un double objet, premièrement, par rapport à Dieu en lui-même. Ce qui renferme la révélation de l'unité de Dieu et du mystère de la très sainte Trinité, ce qu'on demande, par rapport à Dieu considéré dans ses œuvres, cette seconde manière comprend tous les autres articles de notre sainte foi catholique, et toutes les propositions vraies, qui y sont explicitement contenues. À ce genre de révélation se rattachent les promesses et les menaces de Dieu, et la plupart des révélations des prophètes, ainsi que la connaissance des événements passés ou futurs, on peut encore y ramener les faits particuliers qu'il plaît à Dieu de manifester, soit sur le gouvernement de l'univers en général, soit sur les royaumes, les provinces, les États, soit sur les familles et les individus, La Sainte Écriture nous fournit en grand nombre des exemples de cette double sorte de révélation, notamment dans les prophètes. Je ne veux pas m'arrêter à les citer ici, tant ils sont connus et évidents. Je dis seulement que Dieu multiplie les moyens pour transmettre ses révélations. Tantôt il emploie les paroles, tantôt il se sert des signes, des figures, des images et des similitudes. Quelquefois il use des paroles et des symboles tout ensemble. On peut s'en rendre compte dans les écrits des prophètes, spécialement dans l'Apocalypse, où se rencontrent toutes les espèces de révélations dont nous nous avons parlé, et de plus, les divers modes que nous énumérons ici. Quant aux révélations de la seconde catégorie, Dieu les accorde encore de nos jours à qui il lui plaît, ainsi il révèle à certaines personnes le terme de leur vie, les souffrances qu'elles subiront, les événements qui doivent arriver à telle ou telle personne, à tel ou tel royaume, etc. Il découvre à l'esprit les vérités doctrinales renfermées dans les mystères de notre foi, et lui en donne l'intelligence avec une clarté et une force singulières. Cependant, à vrai dire, il n'y a pas ici révélation, d'autant qu'il s'agit d'une vérité connue, c'est plutôt la manifestation et l'éclaircissement de dogmes déjà révélés. Mais tant à part les révélations faites dans les temps primitifs, par exemple les mystères de notre foi, j'entends parler ici des autres révélations où il est facile aux démons d'insinuer ses illusions, comme ce genre de révélation se présente d'ordinaire sous la forme de paroles, de figures, de symboles, etc. L'esprit de mensonge sait le contrefaire à merveille. Du reste, un ange du ciel vint-il lui-même nous enseigner sur notre foi une doctrine nouvelle, ou différente de celle qui existe, qu'elle s'appliqua à la première ou à la seconde catégorie de ces révélations, nous ne devrions jamais y donner notre consentement, telle est la pensée de saint Paul, quand nous vous annoncerions nous-mêmes, ou quand un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il sait anathème, Galates 8. L'âme doit donc s'appliquer à n'accueillir aucune nouveauté en matière de foi, c'est d'ailleurs un principe de conduite fort important. Pour quiconque veut se précautionner contre les variations qui pourraient altérer les croyances et entacher la pureté de la foi, il faut bien plutôt aveugler son entendement, et s'attacher avec simplicité à la doctrine de l'Église et à la foi, qui nous vient de ce que nous avons entendu, Romains 10, 17, dit l'apôtre des gentils. En effet, le démon, pour séduire l'âme, essaie de gagner sa confiance en la tirant d'abord par des vérités, et par des choses vraisemblables, ainsi fait l'ouvrier qui perce le cuir avec la laine, afin d'introduire sans peine le fil qui n'aurait pu pénétrer, s'il n'avait été guidé par cet instrument. Fussiez-vous assuré de ne pas courir le danger de tomber dans l'illusion, il est toujours préférable de ne pas désirer la claire intelligence des choses, afin de conserver dans sa pureté et dans son intégrité le mérite de la foi, et de parvenir à travers les ombres de cette nuit de l'intellect, à la lumière splendide de l'union divine. Il est de la plus haute importance de s'attacher, les yeux fermés, aux prophéties antiques, sans tenir compte des révélations nouvelles. L'apôtre saint Pierre n'avait aucun doute sur la certitude de la vision du Thabor, où la gloire du Fils de Dieu s'était manifestée à lui. Il ajoute néanmoins, dans sa seconde épître, ces paroles remarquables, « Nous avons les oracles des prophètes dont le témoignage est plus certain, vous faites bien de vous y arrêter, de Pierre, L. 19. S'il est vrai, pour les raisons déjà énumérées, qu'on ne doit pas prêter une attention curieuse aux nouvelles révélations, dont la foi serait l'objet, combien plus sera-t-il nécessaire de ne pas donner notre adhésion à celles qui s'en écarteraient. Point d'exclamation. Le démon y prend une large part, et couvre ses révélations d'une apparence de vérité pour leur obtenir créance. Il les grave si profondément dans les sens et dans l'imagination, que la personne qui les reçoit ne doute pas de leur accomplissement. Si elle n'a pas une véritable humilité, loin de les repousser, elle s'y attachera tellement que je regarde comme impossible qu'elle échappe au piège de l'illusion. À grand-peine pourra-t-on ensuite la faire changer d'opinion, et redresser son erreur. En conséquence, l'âme pure et simple, prudente et défiante d'elle-même, doit s'éloigner absolument des révélations et des visions, d'autant que, pour tendre à la divine union, il n'est pas utile de les vouloir, mais bien au contraire de ne pas les vouloir. Salomon nous avait déjà donné cette leçon pratique. Qu'est-il nécessaire à l'homme de rechercher ce qui est au-dessus de lui, Ecclésiaste 7, 1, c'est-à-dire, pour être parfait l'homme n'a nul besoin d'aspirer aux choses extraordinaires, par des voies surnaturelles qui sont supérieures à sa capacité, ayant déjà répondu aux objections qui pourraient être faites sur ce sujet. Dans les chapitres 19 et 20 de ce livre, j'y renvoie le lecteur, je termine donc cet aperçu sur les révélations, en répétant qu'il faut s'en tenir à l'écart avec prudence, si l'âme veut avancer, pur exemple d'erreur, au travers de la nuit de la foi jusqu'à l'union divine.